Chapitre deuxième. Eh bien, Émile, ma parole, tu arrives bien, dit Ribert, un gros homme solide, roux, magnifique, un homme de 45 ou 46 ans, fort comme à 30 ans, et qui se plantait devant la table juste au moment où la truite rose et la sauce verte s'arrêtaient à côté du peintre, décidément affamé. Bonjour, papa, dit Raymond en repoussant un peu sa chaise pour que le gros homme prît une place. Émile Guillemard s'assit, disant au garçon en riant « Surtout ne me versez rien dans le dos, eh ? Je n'aime la sauce que sur mon assiette. » Il parut enchanté de sa plaisanterie et, tendant autour de la table ses doigts gantés, il distribua des bonjours familièrement. « Bonjour André. Bonjour Miss Maud, ma chère Geneviève. » Sa rude voix, habituée au commandement, cette voix forte de coulissier qui retentissait avec des éclats de bombes au-dessus des groupes, les jours de crise financière, sa voix de tonnerre s'était adoucie lorsqu'il avait parlé à la jeune femme, et sous ses sourcils aux poils ras, son œil gris de fer semblait attendri en se fixant sur la cousine Ribert. Elle était si jolie, cette Geneviève, très coquettement mise en costume de printemps, une petite casaque à parements, ouverte sur un gilet de chasse en satin, avec de gros boutons, un chapeau de paille empanaché de plumes, planté sur ses beaux cheveux bruns, comme une coiffure de ligueur. Bien prise dans ce costume serré, dégageant le corps, elle avait l'air de la sœur aînée de cette André qui, blonde, sérieuse, un peu triste, s'enveloppait dans un mantelet, dessinant la courbe juvénile des épaules et laissant deviner la taille, une taille souple de fine parisienne. La belle-mère, avec ses 27 ans fièrement épanouie, un embonpoint élégant, agaçant l'appétit, était pour Émile Guillemard plus jolie d'ailleurs que la jeune fille, qu'il trouvait trop mélancolique. Il méprisait ce qui est frêle, Guillemard aimait à rire. Ce gros homme bruyant, suant la vie et l'argent, formait d'ailleurs un absolu contraste avec son cousin, ce maigre et ironique Louis Ribert, qui était là devant lui. Ah, comme il comprenait l'existence, Guillemard. Veuf de très bonne heure, n'ayant d'autre enfant que la petite Raymonde, élevé d'abord à la diable, puis confié aux soins de Miss Maud Barker, qui menait la jeune fille à l'ancien cours Robert, ce gros homme robuste, bien en chair, ne pensait à rien en ce monde qu'à vivre content et à gagner de l'argent. Il avait toujours eu des chances insolentes. La fortune lui venait par pelletée. Quand il songeait à son arrivée à Paris, vers 1852 à 18 ans, lorsque son père l'envoyait de Lille pour représenter la vieille maison de fer, lorsqu'il se rappelait ses tournées de placier et ses dégoûts d'un commerce qui ne rendait pas 200%, comme il rêvait, lui, les opérations, il pouffait de rire. Ce pauvre père Guillemard qui, là-bas dans le Nord, avait borné sa vie à aller de la rue Escormoise à son bureau de la place du Rio, il n'était pas dans le mouvement, celui-là. Il n'aurait pas compris, comme son ch'tio Bimbin, terriblement grossi et devenu un des rois de Paris, la puissance du crédit, les ressources de la banque et de la GIO. Il n'aurait jamais deviné que le petit Émile entrerait un jour, comme un ministre en son cabinet, dans ces grands établissements de marbre et de pierre dont il était le maître ou le haut personnage. Pauvre père Guillemard. Et tout fier de se comparer au vieux brave homme, Émile mirait sa carrure, ses cheveux roux et son œil dur dans le poli des colonnes de sa maison de banque, comme dans des miroirs qu'il aurait fabriqués lui-même. C'était son œuvre, ces caravansérails de la finance où défilaient des garçons galonnés, coiffés comme des généraux, où tout un monde de commis grattait du papier ou passait des titres, comme on battrait des cartes derrière des vitrages, ces caisses aux guichets voraces où des foules apportaient de l'argent, de l'argent, de l'argent. Il n'entrait pas dans une affaire, ce Guillemard, qu'elle ne rebondît aussitôt, fût-elle tombée à plat depuis des mois. Il passait à la bourse pour avoir le flair, le don, ce coup d'œil des grands faiseurs qui savaient la minute précise du parti à prendre. En réalité, il avait la chance, allait au hasard, d'inspiration et d'instinct, avec des bonnes fortunes extravagantes. Il était de ces généraux dont on dit « il est heureux ». Pas d'autre mérite. Il suffit pour amasser toutes les couronnes et toutes les gloires. Il y avait beau temps que, de sa vie, réglée comme une partition, Émile Guillemard avait éliminé la femme. On ne lui connaissait pas d'aventure. Il dépensait son énergie d'athlète dans ce métier tuant du manieur d'argent. Il faisait de la finance comme on fait de la gymnastique. Levé de bonne heure, recevant les courtiers dès matin en bras de chemise. Il sortait, humait le frais, déjeunait au restaurant, allait à la bourse, se faisait jeter par son coupé dans les 3 ou 4 établissements qu'il avait fondés, passait rue Thébout à son bureau et, congestionné, allait prendre un bain d'air au bois pour dîner au restaurant encore ou chez des collègues, se montrer à l'opéra, voir le ballet, causer avec Molina Stocklight ou Rodillon au foyer de la danse, apparaître aux premières et rentrer le soir, harassé, bâillant, pris de sommeil, et dépouiller encore le courrier qu'on lui mettait dans sa chambre quand il ne menait pas Raymond au bal. Vie de forçat, au bout du compte, plus occupée que celle d'un manœuvre, vie brûlée qui plaisait à Guillemard, mais à 45 ans, malgré sa carrure, lui donnait l'aspect d'un homme en pleine cinquantaine, le teint cuit, le sang à la peau, les yeux striés de filets rouges. Mais bah, il serait mort s'il n'avait pas vécu ainsi, dans l'âpreté amusante et la bousculade de la bataille parisienne. Il n'avait jamais songé à se remarier, à quoi bon? La vie libre lui semblait si douce. « Une femme est toujours gênante, » disait-il en riant de son gros rire satisfait. « Je ne répéterai pas cela à mon gendre. Mais quand il aura épousé Raymonde, tant pis pour lui, il le verra bien. » Une seule femme aurait peut-être modifié ses idées, et cette femme, il fallait bien qu'il se l'avoue. Il y songeait plus qu'il n'eût voulu, bien souvent. C'était Geneviève. Il la trouvait ravissante. Il reprochait en lui-même à Victor Hibert d'avoir épousé une aussi jolie créature, une parisienne fine, élégante, spirituelle, une vraie femme, et orpheline. Il eût été fier de se montrer avec elle dans une loge d'opéra, aux courses, au concours hippique, partout. De sa pléthore de fortune, il ne savait que faire vraiment. Tandis qu'avec Geneviève, ah, Geneviève, c'eût été une joie de dépenser. Il lui permit de tout gaspiller, et il savait que Geneviève y eut pris plaisir. Très amie de cet abage-là, Geneviève. La jeune femme se fut diantrement bien entendue avec Raymonde. « Savez-vous, cousine, disait-il un soir à Madame Ribert, vous étiez la seule femme qui fût mon type. Si Ribert ne vous avait pas épousée, j'aurais fait des folies pour devenir votre mari. » Geneviève l'avait regardé longuement de ses beaux yeux noirs. « Vraiment, cousin ?»« Et m'est avis que vous auriez avec moi une autre existence qu'avec Victor. » La jeune femme alors était devenue très pâle. Guillemard l'avait bien remarqué. Mais brusquement, « mon mari fait ce qu'il peut, et tout le monde n'a pas la chance d'être millionnaire, » avait-elle répondu. « Qu'est-ce que cela fait puisque je l'aime comme ça ?»« Oh, mais ça n'enlève aucune vertu d'avoir de l'argent, » répondit le banquier. Il avait depuis longtemps jugé le cousin Victor, un brave homme dans le genre de papa Guillemard, l'honneur même, travaillant 10 fois comme il le fallait, mais aboutissant à quoi? Ah oui, à quoi? André Ribert avait-elle une dot seulement? Et Geneviève? Émile était trop bon physionomiste pour ne pas clairement voir qu'elle souffrait de cette médiocrité qui, chaque jour, se rétrécissait autour d'elle comme un cercle. Guillemard avait pourtant connu l'heure où la maison Victor Hibert, du temps qu'elle était située cours des petites écuries, prospérait. Elle faisait la commission pour l'Espagne, le Brésil, l'Amérique du Sud, et les camions roulaient dans la cour, les emballeurs clouaient les caisses ou faisaient flamber comme des feux de joie la poids des emballages gras. Mais depuis que Victor avait établi ses bureaux agrandis, modernisés, tout battant neuf rue de Châteaudun, la chance avait tourné. Cette girouette. Il prenait alors au banquier des tentations de tirer d'affaire le cousin. Bon, pour quelle raison? Victor ne l'intéressait pas. C'était Geneviève Ribert, seule, et un peu aussi la petite André qui lui plaisait. Geneviève, surtout. Émile y songeait si souvent, si étrangement qu'il se demandait. Ah ça, mais est-ce que tu es amoureux, toi? Quelle idée! Il avait eu peur de la réponse à se faire à lui-même. Amoureux, lui, Guillemard, amoureux d'une honnête femme comme la cousine Geneviève, lorsque de vieux imbéciles comme Molina le tombeur, perdaient tant de temps avec Marie Launay, la danseuse, et que Rodillon, un des gros bonnets de la bourse, actionnaire et fondateur de journaux radicaux, se faisait moquer de lui et berner. Il fallait voir. parce que Alice Hervier, sa maîtresse, donnait des fêtes légitimistes et faisait tirer des feux d'artifice à la Saint-Henri. Amoureux, jamais de la vie Guillemard ne commettrait une sottise pareille. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de s'avouer qu'il avait souvent devant les yeux, entre le cours de la bourse et lui, le joli visage de Geneviève Ribert, ce visage de brune grassouillette, l'œil brillant, très noir, et qui lui souriait d'un petit air railleur, comme lorsqu'avec des alanguissements de créole, elle lui tendait sa main fine en lui disant « Bonjour, cousin ».